En Corée du Sud, les habitants de Pyeongtaek, province de Gyeonggi, ont tenu le 21 devant la base américaine à Osan un meeting contre l'essai des armes biochimiques des troupiers américains. Dans nos textes de protestation, les manifestants ont réclamé que les troupiers américains doivent interrompre immédiatement les essais et exercices des armes biochimiques dangereux, notamment du bacille du charbon, et punir les coupables, tandis que le président américain doit présenter les excuses aux Sud-Coréens. Par ailleurs, selon Yonhap News, on a constaté de la substance 24 fois plus toxique au maximum du niveau de tolérance au sol des environs de la base militaire américaine à l'arrondissement de Bupyeong, ville d'Incheon.